Bonjour Baptiste. Bonjour Yann. Tu préfères que je t'appelle Baptiste ou Léal? Baptiste c'est très bien. Ou Carpi? Pas Carpi. Non. Pas du tout. Non, ça c'est surtout pas. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien et toi? T'as une petite sélection de cassettes Badan et Badass? Badan et Badass. C'est ce que tu m'avais dit la dernière fois qu'on s'était vu. Exactement. Eh bien, je suis bien heureux que tu viennes après des années de forcing auprès de tes agents respectifs. Et que tu as accepté l'invitation. C'est et je suis désolé de t'accueillir avec des problèmes de son. Parce qu'on s'enregistre. Ben moi j'en avais avec. Tu sais, j'ai un problème d'ordinateur en ce moment. Du coup on s'enregistre la voix avec le téléphone. Ok. Voilà. C'est bien les cassettes et les téléphones. C'est bien. Et peut-être que avant de laisser place au jingle et au prochain morceau et d'écouter un peu plus cette magnifique chanson, tu pourrais nous la présenter. C'est une chanson de Forkland Darmplatt. C'est un artiste belge qui est sorti sur Aria Kedot. Wow, que de noms de label et de noms de personnes vraiment très dures à retenir. Forkland Darmplatt. Ouais, bon, de toute façon, on le marquera tout ça. On marquera tout ça. La chanson s'appelle Twice Upon a Time. Bienvenue sur Cosmic Cassette. I hope you're riding high, my friend. I hope against your skin. I hope you're riding high, my friend. Well, I dreamed I saw the knight in armor coming, saying something above. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. There was a plan there blowing to the sun that was floating on the breeze. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. I was lying in a burning place with a full moon in my eyes. I was hoping for a replacement when the sun burst through the sky. There was a fire in my head, and I felt like getting home. Baptiste. Yes. Qu'est-ce que tu nous as mis là? Je vous ai mis Hurricanes of Love, une cassette qui est sortie sur Caesar Tape Records. Et après c'était une cassette sortie sur sur Gotti Tape, c'est un label aux États-Unis. C'était une chanson ouais, de... J'en ai jamais vu en vrai. J'aime beaucoup leur j'aime beaucoup leur jaquette et tout. Et d'accord, et c'est eux qui ont sorti le dernier morceau qu'on a entendu. Ouais. D'accord. Et c'était une chanson de Orphan Fairy Tale avec un début de Hardly Elephant. Et c'était une reprise de Nana Mouskouri. Une reprise. Tu t'embrouilles. C'était une reprise de Neil Young par Nana Mouskouri. C'est fou ça. C'est dingue. C'est vraiment pour des moments comme ça que j'aime la radio. When the mountain touches the valley, all the clouds are taught to fly. As our souls will leave this land most peacefully. Born and born again, most gracefully. Bon, on vient d'écouter Flower Orgy. Orgy Flower Orgy. Orgy. Une chanson qui s'appelle When the River Meets the Sea. Quand la rivière rencontre la mer. Ouais. La prochaine, c'est Heroine Party. C'est-à-dire Héroïne. Héroïne Party. En anglais, ils font la différence entre l'héroïne et une héroïne? Franchement, je sais pas. Not it.

Thank you. Guarde um pouquinho do seu tempo para escutar as fitas cassete. C'était super, Baptiste. Ces deux morceaux que tu nous as mis dernièrement. Alors, le premier, c'était Andy Boy. C'est le guitariste de Turnstiles Bandits. Et la suivante, c'était justement Turnstiles Bandits, Hymneola, version a cappella. C'était trop planant. C'était planant. On se serait cru dans une église tahitienne. On peut dire ça, oui. Complètement. T'avais acheté ces cassettes à Grande Zéro ? Non, je les avais achetées à Dijon. Dans un bar qui s'appelle le Deep Inside. Yes, dédicace. Dédicace. Et d'ailleurs, dédicace à Hugo. Hugo qui est très fan de ce groupe. Ah ouais, en tout cas, la pochette, c'est quoi ? C'est le visage des deux frères Morphing, c'est ça que tu m'as dit ? Peut-être. C'est trop stylé. Et là, on va écouter une chanson d'un mec dont le pseudo est Prayer, comme prière. Ok. Écoute. La chanson n'a pas de nom. C'est sur un album qui s'appelle First Species. Comme premier péché ? Première espèce. Pardon. En fait, il avait sorti une cassette sur Constellation Tatsu, un label à Oakland, en Californie. Mm-hmm. Et c'était Second Species. Et là, c'est la First Species. Il l'a sorti après ? Il l'a sorti. Ça, c'est sorti avant. Ah, ok. Ah oui, ok. Et dessus, on peut voir Tour Edition of 25. Ah ouais, mais c'est celle-ci dont tu me parlais chez toi, là ? Ouais. Ça t'avait touché ? Touché et... Bah, le fait qu'il n'y en ait que 25, ce soit pas sur internet. Ah oui, il y a ça aussi. Ne la cherchez pas sur internet. Thank you. Interview pour 5 voix, Ray Faywin, Fenwick. Une cassette sortie sur Six Six Tapes, un label décédé. Mais c'était pas des cassettes? C'était une blague. Non, ils existent plus. C'était un label de... pas français, ça, on dirait. D'accord, Allemagne. Une chanson, c'est... Laurent Bigot et François Rollin, vit sur Tower Bridge. La chanson s'appelle Leçon 3. You're very kind. Here. There. In. On. Third lesson. Here's the book. Is it interesting? Yes, it's very interesting. There are the papers. Where are they? There, on the bookcase. Thank you. Here's your tea. No, thank you. Milk? Yes, please. Ow, it's very hot. I'm sorry. Where's the ashtray? Here, with my cigarettes. Where are the matches? There, near your hand, with my cigarette, cigarette. fourth lesson. C'était vraiment super génial cette cassette. Ouais, on vient de cassette trouvée au puce à Dijon. Elle est trop belle. En plus, on dirait vraiment une cassette de langue. C'est ça qui est drôle. Ouais, c'est vrai. Et dédicace à Charles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le possesseur de cette cassette. Ah. Il y a de la chance, elle est vraiment géniale. Toute chose oubliée dans un endroit pendant un certain temps. Nous appartient. Nous appartient, exactement. Qu'est-ce qu'on écoute là? Là, on écoute Happy Trendy, c'est une cassette qui est sortie sur Carpi. Le petit label qu'on avait avec Charles, du coup, la double dédicace. Auto-double dédicace. Thank you. Merci beaucoup Baptiste. C'était Merci quoi Yann. Cette cassette? C'était Zonotope, le projet avant Jerry Paper. ça va être le dernier morceau de l'émission. C'était vraiment super ce dimanche badant et badass avec toi, Baptiste. Merci. Du 3B, quoi. L'invitation. Écoute, je suis vraiment content que tu sois venu. Quoi. La dernière chanson, c'est une chanson de Forming. C'est un mec du Canada. C'est une grosse influence. Une grosse influence pour toi ? Pour moi. En tant que Léal ? Ouais. Chouette. On écoute ? Ouais, et juste avant, je voulais poser une dernière question. C'est quoi le nom de la bière que tu bois ? Tchoukas, peut-être. Tchoukas ? Ouais, peut-être. Bière roumaine. Bière roumaine ? Elle a l'air chouette, hein. Sympa. Attends, je mets mon petit jingle avant, ça te permet. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end the test. Hello from the children of planet Earth.